I love Paris, oui je t'aime. Mon vieux Paris de beaux jours, j'aime tes faubourgs et la Seine qui se promène au bras des amants qui s'aiment toute la semaine. J'aime tes jolies arcades et les pavés d'Auvergne où l'on flâne avec le ciel pour camarade lorsque l'on aime aussi. Même à l'autre bout du monde, je n'ai qu'à fermer les yeux. Mes rêves à la seconde font la ronde dans un petit bal de Grenelle qui m'appelle. I love Paris, oui, je t'aime. Mon vieux copain des beaux jours, auprès de toi vis toujours celui que j'aime. Voilà pourquoi je n'aimerai qu'à